parce que nous sommes la Barberie. India Pale Ale, Stout Imperial, cuivré ou thé, brasse camarade. La Barberie, parce que nous sommes différents. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chouinet au choix musical et à l'animation. Alors, de retour après deux semaines de notre Near Fest, et je crois que Jean-François vous en a parlé la semaine dernière. Et moi, je vais vous présenter aussi en début d'émission mes albums coup de cœur qui coïncident aussi avec les spectacles coup de cœur que j'ai vus là-bas. Donc, au Near Fest, c'est le dernier Near Fest, on doit le rappeler. Il y avait d'excellents groupes. Il y avait le retour de Anglagard, ce groupe suédois, qui ont enfin fait paraître leur album qu'on attendait depuis longtemps. Ça faisait depuis 94 qu'il n'y avait pas eu d'album d'Anglagard. Et celui-ci s'intitule Viljans Åga. Et il y a aussi ce qui était pas mal intéressant à ce festival-là, il y avait un autre groupe suédois du nom de Gösta Berlings Saga, dont on parle depuis quelques mois, et c'est un groupe qui est vraiment intéressant. Il y avait d'ailleurs deux membres d'Anglagard qui ont joué avec eux en spectacle, et c'est un peu l'Anglagard d'aujourd'hui, là, ce band-là, là, c'est vraiment, vraiment très bon. Les deux sont des groupes instrumentaux suédois, alors il y a de la participation, même que dans leur deuxième album de Gösta Berlings Saga intitulé Detta Har Hänt, dont on en entendra un extrait tantôt. Il y a Mathias Olsson, qui est le batteur de Anglagard, qui produisait et qui a ajouté aussi des instruments en studio sur cet album-là, donc de Gösta Berlings Saga. Mais pour débuter, puisqu'on fera un bloc de deux pièces suédoises, pour débuter, le nouveau Anglagard tiré de Viljans Åga, et ce sera la pièce Ur Vilande. Thank you.

c'était le groupe de la Lituanie, The Skiss, et leur second album, un extrait de cet album intitulé Colors of the Desert, et c'était la pièce I, He. Et c'est un album qui est pas mal intéressant de ce groupe qui vient de si loin. C'est des conditions qui sont peu habituelles d'être un groupe de rock progressif en Lituanie. Juste avant, il y avait eu Ben Craven tiré de son premier disque Great and Terrible Potions, les pièces Diabolic et Nobody Dies Forever Part 1. Et le bloc musical avait débuté avec A Colin et la pièce Some Memorial tirée de leur plus récent album. Alors, on poursuit avec un petit bloc italien, avec le groupe Stereo Kimono. C'est un groupe peu connu, c'est leur troisième disque, et c'est planant, un peu space, vous allez voir. C'est pas mal intéressant, c'est une longue pièce, alors ça va vous donner une bonne vue d'ensemble de ce que le groupe fait. La plupart sont des courtes pièces sur cet album-là. Un album intitulé Intergalactic Art Café, et ce sera la pièce Fuga d'Al Algon. Et ensuite, on va poursuivre notre bloc avec New Goblin, donc qui est une reformation du groupe Goblin, et on ira avec quelques pièces ensuite de ça en spectacle dans la même lignée. On parlera de Vandergraph Generator, ça s'en vient dans l'émission. Ils ont fait un spectacle extraordinaire ici à Québec lundi. Au Palais Montcalm, ils ont joué des pièces rares d'ailleurs, et ils étaient en pleine forme. C'est un spectacle mémorable. Alors on écoutera une pièce live de cet album-là tantôt, après le bloc italien. Alors on y va en pause musicale, et au retour, donc un bloc italien qui va débuter avec Stereo Kimono. Alors c'est Marc et Bruno avec vous jusqu'à minuit, et puis vous nous rejoindre au 88 640 1586 si vous avez questions ou commentaires, ou visiter notre site web aussi à partir de la page de CKRL. Bonne soirée. Écoutez tous les dimanches à 21h La Croche-Oreille en rediffusion, une émission en art audio et électronique animée par Jean-Pierre Gué, Myriam Lambert et Ariane Plante, présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille en rediffusion le dimanche 21h, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Ce soir, au 89.1, à 22h, c'est l'émission consacrée au néo-progressif avec Michel Bilodeau, Marc Chaunet, Bruno Côté et Jean-François Lamar dans Terra Incognita. Et dès minuit, c'est L'Autoroute, l'émission rock, prog et psychédélique des années 60 et 70 animée par Stéphane Villeneuve. Bonne soirée sur CKRL. Le Festival d'été de Québec vous invite à découvrir sa programmation en salle présentée par Groupe Voyage Québec. L'Impérial, le Cercle, le Largo et la Casbah vous promettent des soirées enlevantes tous les soirs, du 5 au 15 juillet. Well. My space is the morning. You've just inspired me to hire a DJ. Voyez Adam Cohen, Yuxek, Walk of the Earth, Ariane Moffat, Kid Koala, Blaster, John Abercrombie et Mark Copeland. Complète sur infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Molson Dry. So thank you. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal, les sports, le reggae et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, les 2 pour 1 tous les jours de 21h30 à 22h et de 23h30 à minuit. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Le Bal du Lézard.com. CKRL 89.1. À Québec. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Pourquoi La Barberie n'utilise-t-elle pas de clichés pour vendre les délicieuses bières qu'elle embouteille?

Vous aimez ce que vous entendez et vous aimeriez encourager votre radio préférée? C'est simple comme bonjour. Soutenez votre radio favorite en faisant un don en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton sécurisé PayPal ou téléphonez au 418-640-2575. Un petit geste d'amitié pour une grande radio. Demain, dès 15h, Tania Beaumont et son équipe vous attendent au Sacrilège pour l'émission spéciale du Festival d'été, C'est dans le sac. Des invités, de l'émotion, des potins, des prestations et des prix de présence. Pour tout savoir sur le Festival d'été de Québec, rendez-vous au bar Le Sacrilège, 447 Saint-Jean, du 5 au 15 juillet, de 15h à 18h. C'est dans le sac, une présentation de Boréal. 89 ans. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. La Barberie. Parce que nous sommes la Barberie. Pale Ale, lime et framboise. Blanche ou mûre. Parce que nous sommes la Barberie. India Pale Ale. Stout Impérial. Cuivré ou thé. Brasse Camarade. La Barberie. Parce que nous sommes différents. 89.1. C'est KRL. Québec. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Lorsque je combats les envahisseurs de l'espace, j'aime bien boire une bonne bière de La Barberie. Et vous, quel est votre moment Barberie? Stout Impérial, la sangribière. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bière pression à fermentation haute. India Pale Ale. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Alors, de retour avec Bruno et Marc. Et ce qu'on vous a fait entendre juste avant, c'était Stereo Kimono. Il y a eu deux extraits, donc, de ce groupe italien, tiré de leur album Intergalactic Art Café. Et celle qu'on a entendue juste avant, c'était Rebut, La Solution. Et juste avant, il y avait eu New Goblin, tiré de leur album Live in Roma. Ça a été enregistré l'an dernier. Et c'était la pièce Roller. C'est un extrait d'un album éponyme qui est paru originalement en 1975. Alors, Stereo Kimono. Et c'est ce qui conclut notre petit bloc italien pour ce soir. On parlait de pièces en spectacle et de concerts. Il y a eu Van de Graaff Generator qui était ici, donc, lundi dernier à Québec. Et on va écouter une pièce qu'ils ont jouée, qu'ils ont interprétée, qui est tirée de leur plus récent album, A Grounding in Number. C'était la pièce Buncho. Et on va poursuivre ça avec SBB, qui est un groupe polonais qui existe depuis 1975 et qui ont réalisé pas mal d'albums. C'est leur 15e album. Et c'est un album assez intime entre deux musiciens qui se partagent les claviers et les guitares, surtout avec évidemment des percussionnistes. C'est tout écrit en polonais et c'est chanté en polonais aussi. Alors, on écoutera donc un extrait intitulé Niemen, de leur plus récent album, éponyme, SBB, tout simplement. Donc, le groupe SBB et l'album SBB. Et on va poursuivre aussi avec... qu'est-ce qu'on a comme surprise ce soir? Un doublé au Québec avec la reparution de l'album de Franck Dervieux, Dimension M, par Prog Québec, et aussi le groupe Dionysos. Une réédition d'un album de 1972. Mais d'abord, allons-y tout de suite en musique avec Van de Graaff Generator, la pièce Buncho.

one of their own, their very we'll be right back. chercher. C'était le groupe québécois Dionysos. C'est un album de 1971 qui vient d'être réédité. Et c'était la pièce Le Prince Jardine. Et c'était précédé de Franck Dervieux, de l'album Dimension M. C'est une nouvelle parution aussi de Prog Québec et des EP Distribution. La pièce Présent du futur, donc de cet artiste qui a fait paraître cet album aussi en 1971. Et juste avant, il y avait eu SBB, ce groupe de la Pologne, tiré de leur plus récent album, et la pièce Niemen et Vandergrab Generator. J'ai oublié de vous dire la provenance. C'est enregistré en concert au Metropolis Studio à Londres l'an dernier. Et c'est un beau deux CD et un DVD. Alors vous avez l'audio et le vidéo. Et le son est très très très bon. Et c'est vraiment, on sent l'esprit de Vandergraaf d'aujourd'hui. On va terminer l'émission avec le groupe Hawkwind, et c'est un groupe qui roule depuis longtemps, Hawkwind, et c'est leur plus récent album intitulé Onward. C'est un album double, et on écoutera la pièce The Drive-By, et on vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine.